franceinter.com. Au creux de l'été, la nouvelle est passée quasi inaperçue. 34 ans après son enlèvement en Argentine, la dépouille d'un jeune étudiant ingénieur français a été formellement identifiée grâce à une analyse génétique. Son cadavre, troué de balles, avait été abandonné par ses bourreaux au bord d'une route et enterré de façon anonyme. Et au moins jusqu'en 2008, les parents d'Yves Domergue n'avaient aucune idée du sort qui avait été réservé à leur fils. Mais à cause de son engagement politique, ils ne se faisaient guère d'illusions. Leur fils, comme des milliers d'autres, avait certainement été l'une des victimes des militaires argentins qui, pendant 7 ans de dictature, avaient multiplié les exactions et les assassinats. Autant de crimes qu'ils ont essayé de dissimuler en enfouissant les dépouilles de ces malheureux dans des charniers, ou pire, en les jetant par avion dans l'océan. Mais aujourd'hui, en Argentine, on assiste à ce que l'on appelle là-bas un printemps judiciaire. Les assassins, à commencer par les plus hauts responsables de la junte, répondent enfin de leurs crimes malgré les lois d'amnistie qu'ils avaient eux-mêmes promulguées avant de quitter le pouvoir. Et peu à peu, la vérité se fait jour, en dépit des mensonges et autres falsifications, et aussi de la mystérieuse disparition d'indispensables témoins. Ce qui signifie que les tueurs d'hier peuvent encore sévir. Monsieur X revient donc sur cette longue et cruelle histoire et essaie d'abord de comprendre pourquoi la dictature argentine a été la plus sanglante sur un continent qui pourtant a vu se lever d'innombrables apprentis putschistes et de militaires dévoyés. Et en particulier, il pointera du doigt la responsabilité d'une large frange de l'armée française qui a non seulement inspiré les dictateurs, mais a concouru sur le terrain au nom de la guerre contre-révolutionnaire à conseiller les tortionnaires argentins. Su corazón de terror es su inocencia y de locura su amor. No necesita el alivio, no lo amedrenta el rencor, porque nunca tuvo abrazos, porque le duele sudor frío de sus manos, que la muerte al fin calmó. Pequeño niño perdido, soledad te crió, mamaste de río gris la oscuridad te parió, mamaste de río gris la oscuridad, mamaste de ríos grises. Il est vrai que nulle dictature sud-américaine n'a été plus féroce qu'en Argentine. Même un Pinochet n'arrive pas, si j'ose dire, à la hauteur d'un Videla. Et d'abord, même si les méthodes répressives utilisées ont été généralement les mêmes, parce que le nombre des victimes des militaires argentins est bien supérieur. Certains mois, c'était plus de 500 personnes qui étaient enlevées et assassinées. Et je crois savoir que le bilan total est estimé à 30 000 victimes. C'est en effet le chiffre communément admis. Mais il faut aussi tenir compte du 1,5 million d'Argentins qui ont dû fuir leur pays. J'ajoute autre chose, si la dictature argentine a été la plus féroce, elle a aussi largement coopéré avec ses homologues d'Amérique latine. Tous ces pays du cône sud du continent qui ont aussi vécu sous la férule des militaires, Chili, Uruguay, Paraguay, et dans une moindre mesure, Brésil et Bolivie. Dans le cadre de ce qu'on a appelé le plan Condor. Hein. C'est ça, mais là encore, on peut dire que les généraux argentins ont sans doute été les chefs de file de cette mafia des dictateurs. Et que c'est bien souvent en Argentine que les polices secrètes des autres pays du cône sud sont venues enlever ou assassiner leurs propres ressortissants qui avaient trouvé refuge. Autre observation, il y a eu une terreur avant la terreur. Que voulez-vous dire là ? Bien, avant même que les généraux ne s'emparent officiellement du pouvoir en 1976, les militaires argentins avaient déjà expérimenté leur méthode expéditive et entrepris de lutter à leur manière contre la gauche et l'extrême gauche. Oui, la subversion à leurs yeux. Évidemment. Enfin, et j'en aurais terminé avec ces généralités, l'Argentine est un cas à part en ce qui concerne la genèse de la dictature. Alors qu'un peu partout en Amérique latine, les États-Unis ont soutenu et même initié les coups d'État. Ils ne sont pas directement à l'origine du putsch qui a amené Videla et les autres au pouvoir. Et malheureusement, il s'avère que les véritables inspirateurs des généraux argentins sont des militaires français et une branche extrémiste du catholicisme de notre pays. Mais je reviendrai en détail sur tous ces points. Alors, par où voulez-vous commencer ? Eh bien, faisons d'abord un peu d'histoire. Et vous comprendrez mieux comment l'Argentine a pu plonger dans ce bain de violence. Je ne vais pas remonter trop loin. Mais il faut d'abord tenir compte de l'immensité du pays. 6 fois la France, et au XIXe siècle, une population très peu nombreuse. Ce qui pousse la grande bourgeoisie terrienne, très influencée par l'Empire britannique, à favoriser l'immigration. Entre 1870 et 1930, 6 millions d'étrangers viennent s'installer dans ce pays de cocagne où les propriétés terriennes peuvent atteindre des dimensions gigantesques. Ouais. C'est immigrants, essentiellement des Européens. Hein. Oui. Alors que la population indigène... Indienne. Naturellement. Ouais. Alors donc, cette population végète et demeure désespérément pauvre. Et sur le plan politique, alors ? L'Argentine est une confédération qui jouit d'une constitution démocratique. Et au début du XXe siècle, elle est dirigée par un président radical qui est élu et réélu. Mais en 1930, à l'initiative de la grande aristocratie terrienne, l'armée s'empare du pouvoir. Et sous une forme ou une autre, elle régnera pendant un demi-siècle et n'abandonnera qu'en 1983, lorsque les généraux argentins devront s'effacer. Alors, un mot sur cette armée hein. La plupart de ces cadres sont des admirateurs de la Wehrmacht. Oui, l'armée allemande. Comme d'ailleurs les militaires chiliens. C'est exact. Mmh. Et en 1933, l'arrivée d'Hitler à la chancellerie n'atténuera pas, bien au contraire, cette influence allemande sur l'armée. Mais les officiers argentins sont aussi des élateurs des autres dictateurs européens, Mussolini et ensuite Franco. Et vous le savez, ça explique la neutralité de l'Argentine pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que le cœur des militaires argentins bat plutôt pour les puissances de l'Axe. Bien entendu. Et ce n'est qu'en 1944, sous la pression des États-Unis, que l'Argentine rejoindra le camp des Alliés. Et un peu plus tard, à la fin de la guerre, les nazis seront généreusement accueillis en Argentine. Hein ? Certes, mais enfin, n'allons pas trop vite. Vous devez également savoir que l'arrivée des militaires au pouvoir coïncide aussi avec le début de la décennie infâme, comme l'ont appelé les Argentins. C'est-à-dire une période où le pays a été vendu à l'encan au profit des grands trusts nord-américains. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui va profondément bouleverser la vie économique et politique de l'Argentine. Alors qu'elle n'est même pas engagée dans le conflit. Oui, mais elle va en subir les conséquences. Bon, je vous explique rapidement. Jusque-là, les Argentins vendaient leur viande et leur blé aux Européens. Et en retour, ceux-ci leur fournissaient des produits manufacturés et industriels. Mais avec la guerre, ces échanges commerciaux sont plus difficiles. Et l'Argentine doit, vaille que vaille, s'industrialiser. C'est ainsi qu'on va voir apparaître une classe sociale nouvelle, la classe ouvrière. Une masse de nouveaux émigrants attirés par l'industrialisation. Un prolétariat, quoi. Oui, ce qu'on va appeler les cabecitas negras. Les têtes noires. Hein. Autant d'individus qui vont s'entasser dans les bidonvilles et former plus tard la base électorale du péronisme. Mais on les a aussi appelés les sans-chemises. Hein. Et descamisados, oui. Et en même temps, l'armée bouge. C'est-à-dire alors... On assiste à la montée en son sein d'un puissant mouvement qui est à la fois neutraliste et nationaliste. Ouais, neutraliste, je comprends. Ces militaires ne veulent pas que leur pays s'engage dans le conflit mondial, mais... politique, mais nationaliste. Ah ben, ces militaires, surtout de jeunes officiers, affichent des positions anti-impérialistes. Mais ça veut dire, là, anti-nord-américain. Bien sûr, car ils considèrent que la puissance économique des États-Unis menace leur indépendance nationale. Et presque naturellement, ces officiers, qui sont aussi farouchement anticommunistes, se réfèrent au modèle fasciste d'un Mussolini. Et Juan Perón en est, hein ? Oui, oui, c'est l'un de ces jeunes militaires et l'un des animateurs principaux de ce courant qui s'intitule le groupe des officiers unis. Alors je pense, à ce stade-là, qu'il faut nous attarder un peu sur la personnalité de cet homme dont nous allons beaucoup parler, j'imagine. Tout à fait. Perón est né en 1895. C'est un métis, car sa mère est mi-indienne, mi-espagnole. Et son père, là ? C'est un immigré sarde. Ils vivent dans la province de Buenos Aires. Mais le père veut tenter sa chance dans l'agriculture et la famille part en Patagonie. Cependant, Juan quitte assez tôt sa famille pour aller étudier dans la capitale fédérale. Et dès l'âge de 15 ans, il est admis dans une école militaire. C'est alors un adolescent grand et pourvu d'un visage énergique et avenant qui s'impose assez rapidement parmi ses camarades. Du charisme. Et une éloquence exceptionnelle. On s'accorde aussi à dire qu'il a une aptitude naturelle au commandement. Ouais, bref, c'est un leader. Et en effet, j'ajoute, pour compléter ce portrait sommaire, qu'il connaît de nombreux succès féminins. Ah, ouais. Et l'histoire retiendra surtout le nom de sa deuxième épouse, Eva Duarte. Evita. Une jeune actrice d'origine populaire qui va jouer un grand rôle dans son ascension et sa future popularité. Ouais, mais n'allons pas trop vite. Si, c'est vous qui le dites maintenant. Alors, je reviens à ce groupe des officiers unis. En juin 1943, ces jeunes militaires sautent le pas et renversent le pouvoir en place. Ah, c'est un putsch. Exactement. Ici, il faut dire que, prudence ou calcul, Juan Perón n'a pas tenu un rôle de premier plan dans ce coup d'État. Mais il a participé. Hein. Naturellement. Ouais. Avant d'aller plus loin, alors, je voudrais que l'on précise la nature des convictions politiques de Perón qu'on a souvent accusé d'être un zélateur du nazisme. À tort. Bien entendu, par la suite, il n'hésitera pas à user de la manière forte à l'égard de ses opposants, mais ce n'était pas un nazi. Moi, je le qualifierais plutôt de populiste socialisant. Cependant, il est vrai que l'expérience fasciste italienne l'a durablement marqué, d'autant qu'il a exercé les fonctions d'attaché militaire à l'ambassade argentine à Rome. Ah oui, il a donc vu le fascisme à l'œuvre de très près. Et ce qui l'a certainement influencé, c'est la façon dont le dictateur italien usait pour fasciner les foules. Alors, vous m'avez dit qu'il n'a pas joué un rôle de premier plan dans le putsch. Mais il n'en reste pas moins l'un des hommes forts de ce putsch. C'est certain. Cependant, très habilement, il se tient dans une relative réserve et il va faire en sorte de conquérir la ferveur du peuple. Et donc, d'apparaître comme un dirigeant indispensable. Rendez-vous avec X. En 1986, la journaliste du Monde, Catherine de Rivéry, a exhumé une fiche du FBI consacrée à Juan Perón. On y parle d'une personnalité très italienne et on lit ensuite ceci. Il parle avec vivacité et énergie sans faire attention au style ou au vocabulaire. Il peut être violent, mais très vite il se calme et éclate d'un rire tonitruant. Il donne l'impression de garder en permanence son sens de l'humour et s'arrange pour faire sentir aux autres qu'il ne prend pas les choses sérieusement. Il improvise en permanence. Il ne montre pas sa force physique, il l'exhibe. Il tombe la veste et se promène en chemise kaki, le revolver en évidence à la ceinture. Il tape sur la table quand il s'adresse à d'autres officiers ou qu'il déclare qu'il va arranger une situation. Mais tout cela, il le fait en riant. Rire qui sert le plus souvent de point final au débat. On ne discute pas ses décisions, on remercie, c'est tout. « Perón, donc, malgré sa forte personnalité, se cantonne dans un rôle mineur. Au sein de la junte, on ne lui confie qu'un poste secondaire au ministère de la guerre. Mais 4 mois plus tard, il hérite, à sa demande, d'un autre portefeuille, celui de secrétaire d'État au travail et au plan. Ouais, c'est pas très exaltant. Hein. Apparemment, oui. Car c'est pourtant à ce poste que Perón va donner toute la mesure de son talent et construire son image politique. Expliquez alors. Perón, modeste secrétaire d'État, va provoquer une véritable révolution sociale. À l'écoute des dirigeants syndicaux de la classe ouvrière, il impose au patronat argentin la satisfaction d'importantes revendications, en particulier de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire. Puis il met fin à un conflit social dans l'industrie frigorifique, un secteur essentiel de l'économie du pays. Résultat, Perón devient une sorte de demi-dieu pour les Argentins les plus pauvres. Mieux, il éloigne du communisme des délégués syndicaux traditionnellement acquis à cette idéologie. Et comment ses camarades officiers voient cette popularité grandissante? Ah bah ça ne va pas sans grincement de dents. Ah, on le jalouse quoi. Et on commence à se méfier de cet officier qui fait ami-ami avec la classe ouvrière. Et puis dans ce milieu qui cultive un certain élitisme, on critique aussi sa liaison scandaleuse avec cette actrice issue des bas-fonds de la société. Mais bien sûr, c'est le patronat qui lui voue une solide inimitié. D'autant qu'en 1944, toujours plus populaire, il obtient de grimper dans la hiérarchie gouvernementale. Il est maintenant vice-président, ministre de la guerre, sans toutefois renoncer à son portefeuille au travail et au plan. Mais ça va finir par craquer, non? Inévitablement, car il poursuit son programme d'amélioration à la condition ouvrière et paysanne. En octobre 1944, il promulgue le statut du Peón. Peón, c'est l'ouvrier agricole. Hein. C'est ça. Puis il rend obligatoire le paiement en salaire et limite la journée de travail à 8 heures. Et en juin 1945, il annonce son intention d'introduire une nouvelle législation du travail. Cette fois, c'en est trop pour le patronat et la grande bourgeoisie. En octobre 1945, ses forces conservatrices obligent l'armée à se débarrasser de Perón. Contraint de démissionner, il est arrêté et emprisonné dans une île prison. Mais Evita, elle, n'a pas été incarcérée. Oui, mais que peut-elle faire? Une sorte de miracle. En un temps record, elle mobilise les syndicats et le peuple des faubourgs. Dès le lendemain de l'arrestation de Perón, la CGT locale décrète la grève générale et une immense masse de travailleurs converge vers le centre de Buenos Aires. Un spectacle inouï, jamais vu en Argentine. En tout cas, le rassemblement de tous ces descamisados produit son effet. Les autorités prennent peur. Et un peu avant minuit, Perón recouvre la liberté. Et au fond, c'est là la véritable naissance du péronisme. Oui, Perón est désormais le maître du pays. Dans un discours improvisé, il appelle ses partisans au calme, promet d'édifier une nouvelle Argentine et rend hommage au peuple de la sueur qui a obtenu sa libération. Le peuple de la sueur, oui. Mais est-ce qu'il prend effectivement le pouvoir? Non, très habilement, il affirme sa volonté d'être élu par les urnes, ce qu'il obtient triomphalement en février 1946, malgré l'opposition de presque tous les partis politiques existants. Il obtient 56% des suffrages et peut maintenant gouverner comme il l'entend. Une observation d'abord. Perón arrive au pouvoir dans un contexte très favorable sur le plan économique. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine est alors, malgré sa faible population, le 4e pays le plus riche du monde. Ah ouais? Et alors ça s'explique comment, ça? L'Argentine est alors créditeur de la plupart des pays d'Europe qu'elle a nourris avec son blé et sa viande pendant les années de guerre et les décennies précédentes. Et bien entendu, elle est en mesure de continuer à alimenter ces pays ruinés par le conflit mondial. Ah, et Perón va donc pouvoir poursuivre son programme social? Oui, et sur ce plan, au moins, son bilan est assez impressionnant. Les lois sociales qu'il promulgue sont novatrices et très en avance par rapport à de nombreux pays industrialisés. Protection de la maternité, politique progressiste du logement, instauration des congés payés et même du 13e mois de salaire, création d'une caisse de retraite pour les ouvriers de la métallurgie, etc. Ouais, l'Argentine devient donc une sorte de modèle. Et une figure de proue du tiers-mondisme, comme on ne dit pas encore. Car dans le contexte de la guerre froide, Perón tient à sa neutralité. Autre facteur favorable, le dirigeant argentin peut s'appuyer sur une solide base politique et sociale. Oui, c'est sans chemise. Et les syndicats, qui ne vont cesser de monter en puissance et fournissent le gros des troupes péronistes, à côté du parti péroniste proprement dit, c'est-à-dire le parti justicialiste. Enfin, et ce n'est pas négligeable, il y a la figure quasi mystique d'Evita, protectrice des pauvres. Et Evita, qui fait l'objet d'un véritable culte. Et qui a aussi obtenu de son époux le droit de vote pour les femmes. Mmh. Par conséquent, Perón dispose de nombreux atouts pour réussir. C'est certain. Mais il y a aussi le côté plus obscur du régime. Perón n'a pas oublié les leçons de son maître Mussolini. Et au fil des années, le régime dérive vers l'autoritarisme. Grâce à une nouvelle constitution, Perón s'est octroyé des pouvoirs supplémentaires. Il n'hésite pas à emprisonner ses opposants ou à bâillonner les journaux hostiles. Mais c'est vrai, la croissance économique et la prospérité du pays permettent de dissimuler un régime de plus en plus autocratique et populiste. Mais existe-t-il une véritable opposition ? Pas encore. Même la gauche est devenue péroniste. Quant à l'armée, elle s'est inclinée et une tentative de putsch en 1951 échouera lamentablement. Cependant, des difficultés de toutes sortes vont peu à peu surgir. Il y a d'abord la mort d'Evita en juillet 1952. Leucémie, je crois. Oui, c'est un coup très dur à tout point de vue pour Juan Perón, qui lui devait une partie de sa popularité. En outre, toujours en 1952, la récolte de blé est catastrophique et ça coïncide avec un resserrement des exportations. La vieille Europe s'est redressée et n'est plus aussi dépendante des biens alimentaires de l'Argentine. Alors Perón doit-il changer de cap ? Oui, il va devoir modifier sa politique de redistribution. Et ça déplaira forcément à sa base électorale. En attendant, il est quand même réélu, toujours triomphalement, en novembre 1952. Mais un autre facteur de déstabilisation du régime se présente. La hiérarchie catholique rompt ostensiblement avec le régime pour protester contre la légalisation du divorce et la séparation de l'Église et de l'État. Ça va même très loin, car des églises brûleront. Mmh. Le pouvoir péroniste se délite donc progressivement. Et Perón est contraint de faire appel aux investisseurs étrangers pour redonner un peu d'oxygène à une économie en déclin. En même temps, presque obligatoirement, le caudillo argentin rogne sur certains avantages acquis qui avaient été consentis aux plus modestes. On va donc tout droit vers une crise. Oui, car les opposants sont de plus en plus nombreux. Seuls, les syndicats demeurent réellement fidèles à Perón. En 1955, comme toujours en Argentine, c'est l'armée qui donnera le premier signal. L'armée qui est alors l'instrument de la droite conservatrice. Au mois de juin, la Casa Rosada, c'est-à-dire le siège du gouvernement, est bombardé par l'aviation de la marine. Puis alors que des péronistes se rassemblent sur la place de Mai, un nouveau bombardement provoque des dizaines de morts et d'innombrables blessés. La foule se venge en saccageant la cathédrale de Buenos Aires. Conséquence de cette crise-là, La mobilisation populaire fait échouer la tentative de putsch. Ouais. Alors Perón demeure aux commandes. Certes, mais le pays vit alors dans un climat très orageux. La guerre civile peut éclater d'un jour à l'autre. Et en septembre, on assiste à une nouvelle rébellion militaire. C'est une simple garnison qui se révolte. Et le succès de ce nouveau putsch n'est pas du tout assuré. Mais en même temps, le mécontentement populaire grandit. Perón, qui craint de ne plus pouvoir maîtriser la situation, prend peur et préfère s'enfuir du pays à bord d'un vaisseau paraguayen. C'est pas très glorieux. Non, et Perón, pour se justifier, expliquera qu'il n'existait plus alors un seul homme en Argentine capable de le remplacer. Seule l'armée pouvait recueillir son héritage, garantir l'ordre et pacifier les esprits. Ouais, donc c'est une démission à plus d'un titre. Exactement. C'est ainsi qu'a fini assez pitoyablement cette première période du péronisme. Mais c'était aussi l'échec d'un mouvement nationaliste et anti-impérialiste qui avait inspiré de nombreux autres pays d'Amérique du Sud. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quel était le véritable caractère du régime péroniste, première manière? Hugo Moreno, auteur du Désastre argentin publié par Sileps, l'analyse ainsi. Ce nationalisme n'avait rien à voir avec le fascisme européen, même si les sympathies de Perón pour l'Italie mussolinienne et l'Espagne de Franco, ainsi que l'Allemagne durant la guerre, ne font aucun doute. Incontestable est par exemple l'aide fournie à des centaines de nazis qui trouvaient refuge en Argentine, à l'instar de Joseph Mengele, Adolf Eichmann ou le chef de l'État oustachi croate, Ante Pavelić, pour ne mentionner que les plus connus. Une véritable opération fut montée dans ce sens grâce aux services du Vatican et de l'Église argentine. Mais malgré ses sympathies, il convient d'insister sur le fait que Perón était le leader d'un mouvement nationaliste dans un pays dépendant qui profitait de la conjoncture favorable et de la montée du mouvement de masse pour jouer un rôle bonapartiste au service du capitalisme national. La différence avec le fascisme des pays impérialistes est évidente. Après la chute de Perón, l'Argentine va connaître une longue période d'instabilité, le pouvoir passant alternativement des militaires aux civils. Oui, avant de voir cela plus précisément, là, je voudrais qu'on revienne sur un des aspects les plus troublants de la première présidence Perón, ses rapports avec les nazis. Et sur ce point, on en sait beaucoup plus aujourd'hui, depuis que le président Kirchner a décidé d'ouvrir les archives des services argentins d'émigration. Ce sont par exemple plus de 7000 fascistes croates qui ont trouvé refuge en Argentine. Et parmi eux, il y avait d'authentiques criminels de guerre. Mais il y avait surtout beaucoup d'Allemands. Hein. D'anciens SS, oui, dont 300 assassins qui avaient été affectés dans les camps d'extermination. Mengele, par exemple, ou encore Eichmann. Et tous ces criminels ont pu rejoindre l'Argentine grâce à une puissante organisation secrète mise en place par certains ecclésiastiques qui occupait de hauts postes au Vatican. C'est ce qu'on a appelé la Hatline. Hein. La route des rats, oui. Mais cette organisation a aussi bénéficié de complicité au sein de la Croix-Rouge qui a fourni très généreusement des passeports à tous ces fuyards. J'ajoute que des Français, des Belges, des Italiens, des Slovaques, tous complices actifs du régime nazi, ont aussi eu recours à cette filière d'évasion. Et en Argentine même, c'était l'un des plus proches collaborateurs du général Perón, responsable de ses services secrets, Rodolfo Freude, qui dirigeait cette organisation clandestine. Alors, par conséquent, Perón était parfaitement au courant et il approuvait. Alors pourquoi? C'est en effet la vraie question. D'abord, nous en avons parlé. Il existait une connivence idéologique entre Perón et ses nazis. Ensuite, le caudillo a certainement considéré que l'arrivée de ces Européens fortifierait son régime. D'autant que nombre d'entre eux ont mis leur expérience, si j'ose dire, au service de leur nouvelle patrie. Ouais, ou dans la police, par exemple. Oui, ou dans la direction de ces gigantesques exploitations agricoles qu'il fallait diriger d'une main de fer. Enfin, quelques-uns de ces émigrants ne sont pas arrivés les mains vides. Ils connaissaient le secret de tous ces comptes bancaires qui ont permis aux dirigeants du Troisième Reich de dissimuler le fruit de leur rapine. Le fameux trésor de guerre des nazis? Un trésor qui a très certainement abouti pour une part dans les caisses de l'État argentin. Et l'autre part? Dans la poche de Perón lui-même. Ah oui, cette hospitalité accordée aux nazis était donc peut-être intéressée aussi. C'est très probable. Friedrich Rauch, le colonel chargé par Hitler de retirer l'or de la banque centrale de Berlin et de le dissimuler en principe dans les montagnes bavaroises, a trouvé lui aussi refuge en Argentine. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Malheureusement, on ne pourra sans doute jamais en savoir plus, car d'autres archives, celles de la police ou des services de renseignement, ont été détruites dans les années 90 sur ordre du président Menem. Un président qui se réclamait du péronisme. Ce n'est peut-être pas un hasard. Enfin, il me faut évoquer un fait sans doute encore plus grave, et qui a très longtemps été l'un des secrets les mieux gardés du pays. Avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et l'arrivée au pouvoir de Perón. Bien sûr. Ouais. Donc, une circulaire confidentielle du ministère des Affaires étrangères a prescrit l'interdiction de l'entrée dans le pays des Juifs fuyant l'Allemagne nazie. À moins, évidemment, qu'il n'ait disposé d'assez d'argent pour graisser la patte des fonctionnaires de l'immigration. Et cette circulaire n'a pas été remise en cause par Perón. Elle était même si secrète qu'en réalité, elle n'a jamais été abolie. Il a donc existé en Argentine un véritable antisémitisme d'État. Et il ne faut pas oublier que c'est en Argentine que la communauté juive du pays a été frappée par deux attentats particulièrement sanglants. Oui, dans les années 90. Si vous le voulez bien, refermons ce sinistre chapitre et poursuivons. Vous annonciez, après la fuite de Perón, une longue période d'instabilité. Oui, et ça commence de 1955 à 1958 par le règne des vainqueurs du putsch qui a renversé Perón. Ils appartiennent à la frange la plus dure de l'armée, le courant Colorado, affichent un nationalisme farouche et sont inspirés par un catholicisme intransigeant. Alors, c'est peut-être aussi la revanche de l'Église sur Perón. Oui, d'ailleurs, la propagande gouvernementale ne cesse d'accabler Perón, qui est accusé d'avoir été non seulement un dictateur corrompu, mais une sorte de suppôt du collectivisme. Conséquence, les syndicalistes soupçonnés de péronisme sont l'objet d'une véritable chasse aux sorcières et une tentative de putsch conduite par deux généraux péronistes est écrasée dans le sang. En même temps, évidemment, la plupart des conquêtes sociales acquises sous le régime du caudillo sont remises en question. Et le peuple ne réagit pas ? Le peuple est resté péroniste, malgré les errements des dernières années du régime. Donc il y a des grèves, des mouvements de protestation. Tant et si bien que les militaires doivent s'incliner et remettre le pouvoir aux civils. Par la voie électorale ? Oui. En 1958, Arturo Frondizi est élu président. C'est le leader d'un parti en principe anti-péroniste. Oui, mais seulement en principe. C'est ça. Car Frondizi a noué des contacts secrets avec Perón, qui se trouve en exil à Caracas. Cependant, sa politique ultra-libérale, ouverte aux capitaux étrangers, est loin de satisfaire les masses péronistes. Les grèves se multiplient et sont parfois réprimées dans le sang. La situation devient même quasiment insurrectionnelle, à tel point que Frondizi doit proclamer l'état de siège. Et la violence augmente. Et il faut rapprocher cette radicalisation progressive des événements de Cuba. Ah oui, la victoire de Fidel Castro. Et c'est si vrai qu'une partie de la jeunesse de gauche commence à envisager sérieusement de passer à la lutte armée contre le gouvernement. Et on verra bientôt naître des guérillas en Argentine. En attendant, le président Frondizi doit reconnaître son échec et consentir à la légalisation du parti justicialiste. Ouais, le parti péroniste. Et lors des élections régionales de 1962, ce mouvement montre qu'il est resté très populaire. Il gagne la moitié des sièges de gouverneur. Perón continue donc d'influencer à distance la politique argentine. Et les militaires prennent peur. En cette même année, 1962, il renverse Frondizi. Mais ses officiers qui ont porté au pouvoir un président potiche sont eux-mêmes divisés. Une fois de plus, l'Argentine se trouve au bord de la guerre civile, tandis que l'agitation sociale redouble. Perón croit alors que son moment est venu. Mais alors que lui et ses partisans font marche vers l'Argentine, ils sont arrêtés au Brésil. Perón retourne en exil et se fixe en Espagne en attendant des jours meilleurs. Quoi qu'il en soit, cet échec n'a rien fait, bien au contraire, pour apaiser la situation sociale. J'imagine que les péronistes peuvent espérer une prochaine victoire lors des élections. Celles qui sont prévues en mars 67, oui. Aussi, les militaires prennent-ils les devants. Dès le mois de juin 1966, ils imposent l'un des leurs à la tête du pays. Le général Ongaña, un spécialiste de la lutte anti-subversive, c'est-à-dire du combat contre ce que l'on va commencer à appeler là-bas l'ennemi intérieur. Et qui est cet ennemi intérieur, là ? Sans caricaturer, je pourrais dire que cette appellation regroupe tous ceux qui sont opposés au gouvernement des militaires. Autrement dit, un pouvoir nationaliste catholique, péroniste, socialiste, communiste et bien sûr syndicaliste. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces généraux décidés à combattre la subversion s'inspirent principalement de doctrines qui ont été élaborées par des Français. Ces officiers qui ont appris la guerre révolutionnaire en Indochine et l'ont ensuite appliquée avec zèle en Algérie. Mais j'ai déjà été un peu long et nous en reparlerons dans un prochain entretien. Oui, volontiers. Allez, mais si j'ai bien compris, là, cette junte dirigée par le général Ngania, c'est la dictature avant la dictature. Ah, tout à fait. Et Videla et les autres ne feront souvent que reprendre des méthodes déjà expérimentées en cette fin des années 60. On assiste donc à une militarisation progressive de la société argentine, tandis qu'à l'autre extrémité du spectre politique, on voit surgir des mouvements révolutionnaires armés. D'extrême gauche, donc. Le point de départ, c'est une manifestation géante rassemblant les ouvriers, les étudiants et la classe moyenne, en juin 69. Il s'agit de protester contre l'assassinat de deux jeunes militants. L'armée intervient avec une grande brutalité et en compte des dizaines de morts. Quelques mois plus tard, un mystérieux commando revendique l'enlèvement d'un général, celui-là même qui a renversé Perón en 1955. Qui sont les membres alors, de ce commando ? En revendiquant cet enlèvement, ils affirment s'appeler les Montoneros et certifient leur appartenance au péronisme. D'ailleurs, bientôt, on ne les appellera plus que les enfants terribles de Perón. Ouais, mais ce sont des péronistes de gauche. Et même d'extrême gauche, qui vont lutter contre le régime avec des méthodes très proches de celles employées par les Tupamaros uruguayens. Ouais. Enlèvement, hold-up, etc. Et voilà. Assassinat, oui. Ils condamnent par exemple à mort ce général et l'exécutent. Mais au même moment se lève un autre mouvement révolutionnaire et clandestin, l'ERP, c'est-à-dire en bon français l'armée révolutionnaire du peuple. Et la différence alors entre les deux guérillas ? L'ERP est d'inspiration nettement guévariste, mais les méthodes sont à peu près les mêmes. Et la répression aidant, l'action de ces Robins des Bois sud-américains deviendra de plus en plus violente, et même sanglante. En procédant à plus de 170 enlèvements entre 1970 et 1973, ils inspireront une telle peur aux chefs d'entreprise étrangers que beaucoup préféreront quitter l'Argentine. Malgré la dictature, c'est donc le chaos qui prévaut. Oui, et dans son exil madrilène, Juan Perón compte les points et espère bien profiter de la situation pour revenir et se poser en arbitre, ce qu'il réalisera en 1973, mais au prix de la trahison de ses propres partisans. Et si vous êtes d'accord, nous verrons cela la semaine prochaine. Toutefois, vous l'avez compris, tout est déjà en place en Argentine pour que la plus meurtrière des dictatures sévisse un jour ou l'autre. Nous nous retrouvons donc samedi prochain pour la suite de ce long entretien. Un livre pour terminer. Philippe Kerr, l'auteur de la talentueuse trilogie berlinoise, revient en librairie avec Une douce flamme aux éditions du Masque. Son héros, le détective Bernard Günther, arrive au début des années 50 dans l'Argentine péroniste, rencontre bien évidemment le caudillo et la belle Evita, mais aussi des personnages aussi peu recommandables que Mengele, Eichmann ou Skorzeny. Bref, une plongée édifiante dans la société des criminels nazis réfugiés sous l'aile de Perón. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et l'enregistrer en balado-diffusion. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Michel Bidou l'a réalisée et Monsieur Joub y a ajouté sa musique habituelle. Et tout de suite après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.